A comme apprendre. B comme bibliothèque. C comme classe. D comme dialogue. E comme élève. F comme facile. G comme grammaire. H comme histoire. I comme imagination. J comme jeu. K comme kiosque. L comme lexique. M comme mémoriser. N comme nombre. O comme objectif. P comme professeur. Q comme question. R comme réponse. S comme son. T comme texte. U comme utile. V comme vive le français. W comme waouh. X comme Xavier. Y comme Yasmina. Z comme zéro.